sonne plus le jour, c'est trop miné. J'ai tout fait pour s'y fatiguer, même plus beau jour, c'est terminé. J'ai coupé court d'affilée, ça m'a cassé le cœur, imaginez. J'suis pas fait pour m'affilier, j'ai fait un tour, j'ai eu plein d'idées. Elle sent qu'il y a nos chamallows, on fait que se chamailler. Mon top modèle en maillot, elle veut que j'y passe l'anneau. Petite athèse veut des papels, il veut être le boss du cartel. J'ai plein de manières, mademoiselle, elle sait qu'elle est belle, elle fait sa belle. D'or et platine, on fait tout nous-mêmes. On s'en fout de ce que ça dit, t'as fait la pute, pute nouvelle. Viens, on prend la caisse, on met les voiles. Sous le soleil, sous les étoiles. J'ai pas changé, moi c'est toi. Sur les épaules, chacun son poids. On passe à quand c'était nul, quand ça n'allait pas ma puce. J'ai compté comme on peut, pas comme on veut ma puce. Viens, on prépare les valises. Franchement, je vois pas mon avenir sans toi, ma puce. Et elle veut pas qu'on aille faire les magasins. Elle veut qu'on vive libre, mais bon, ça c'est pas simple. Le cinéma, la plage, bref, tout ça passant. Coin privé au resto, ce soir j'ai mis les mocassins. Faut de tout pour faire un monde. Mon monde, c'est toi, bébé. Et depuis la première rencontre, j'avais que c'est toi, bébé. Dans l'audio reprogrammé, j'fais peur quand je rétrograde. J'fais jamais le haut gradé, j'ai la tour, faut que j'fasse un dégradé. Moi, j'suis pas politique, de toute façon j'vais rien changer. Moi, j'nique toutes vos polémiques, c'est pas l'État qui me donne à manger. Fais gaffe à qui tu fréquentes, j'sais que tu peux vite finir ganté. Avec un doigt sur la détente, et la suite t'avais même pas pensé. J'ai trop laissé passer le temps, là j'déguste avec les sangs que j'connais, ça fait longtemps, les bons et les mauvais moments. Viens, on prend la caisse, on met les voiles. Sous le soleil, sous les étoiles. J'ai pas changé, moi c'est toi. Sur les épaules, chacun son poids. On pensa quand c'était nul, quand ça n'allait pas ma puce. J'ai convaincu comme on peut, pas comme on veut ma puce. Viens prépare les valises, on s'en va ma puce. Franchement, je vois pas mon avenir sans toi ma puce. On pensa quand c'était nul, quand ça n'allait pas ma puce. J'ai convaincu comme on peut, pas comme on veut ma puce. Viens prépare les valises, on s'en va ma puce.